Kit pour Clarisse, lorsque les mains allaient nous rendre heureux. De mon portrait, il fait un sacrifice au nouvel objet de ses voeux. Sous ce déguisement, employons l'artifice pour retirer ce gage heureux.